Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 463 qui commence avec un album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Mind Games par John Lennon en 1973. On écoutera la chanson éponyme, Mind Games. Il y aura également You Are Here, vous êtes ici, et oui. Out the Blue sera la troisième chanson, pour la quatrième, je sais, I know. Quant à la cinquième chanson, ce sera Intuition et on terminera par Bring on the Lucy, Free the People. Voilà pour l'album de la semaine. Il y aura également du McCartney, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour McCartney, ce sera That Would Be Something sur l'album McCartney en 1970. Pour George Harrison, ce sera My Sweet Lord, mais la version de l'an 2000 lorsque l'album All Things Must Pass est ressorti. Il a fait une version légèrement différente, qui est sympa aussi, qu'on ne passe que très rarement, et ben là voilà, l'occasion de la passer. Ringo Starr nous chantera Have I Told You Lately That I Love You sur Sentimental Journée, la même année, en 70. Et puis les Beatles, ce sera Across the Universe. Voilà pour l'ensemble. Vous voulez que je vous parle de la cover? Allez, la cover, ce sera Billy Preston avec Sgt Pepper sur un album hommage aux Beatles, forcément. Et puis, la chanson d'après, vous savez, la nouvelle rubrique de la saga, celle qui me sert à parler de chansons qui ressemblent au style des Beatles ou même de parler de groupes locaux ou des fils d'eux, etc. Eh bien, là, on parlera de livres, un livre sur les Beatles et un livre sur Ringo Starr. On en parlera en 18e chanson avec un instrumental signé Ringo Starr, justement. Voilà, pour l'essentiel, le générique se termine. Donc nous allons commencer. Vous me retrouvez sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. A tout de suite, on commence avec Mind Games, c'est John Lennon en 1973. Bonne soirée à vous tous et toutes. ça me parle, ça. I want you to make love, not war. Eh oui, j'aimerais bien, moi aussi, mais bon, je fais la guerre à personne, déjà. Hein? Pour le reste, ça me regarde, on va dire. That would be something. It really would be something. That would be something. To meet you in the falling rain, mama. Meet you in the falling rain. Rain, mama, beach in the falling rain. That would be something, really would be something. That would be something, beach in the falling rain, mama, beach in the falling rain. Falling rain, mama, beach in the falling rain. Beach in the falling rain, mama, beach in the falling rain. That would be something, it really would be something. That would be something. To meet you in the falling rain, mama, beach in the falling rain. Beach in the falling rain, mama, beach in the falling rain. In the falling rain, beach in the falling rain, mama, beach in the falling rain. Woo. Ooh, now beach in the falling rain, mama, beach in the falling rain, beach in the falling rain, mama, beach in the falling rain. In the falling rain, mama, beach in the falling rain. Beach in the falling rain, mama, beach in the falling rain. En l'an 2000, je l'ai dit en début d'émission, George Harrison nous ressortait le triple album All Things Must Pass, mais il le sortait en version CD. Il avait peut-être déjà sorti avant, mais il le sortait en version remasterisée, bien entendu. Avec quelques trucs en plus, notamment la chanson My Sweet Lord, la fameuse chanson qui avait donné tant de mal à George Harrison, bien qu'il a eu un grand succès avec ça, tant de mal parce que ça ressemblait beaucoup aux Chiffons qui faisaient He's so fine, doula, doula, doula, etc. Ça ressemblait à My Sweet Lord, les mêmes notes, le même style, etc. Eh bien, il a changé la musique en fond, quoi. Hein, la chanson My Sweet Lord reste la même. Ça donne quelque chose de bien aussi. Ça, et là, c'était du 100% Harrison inattaquable. La voici, cette chanson, My Sweet Lord. Oh là là, c'est le côté indien. Côté indien, ouais, mais bon. Ah, il fait chaud ici. Personne n'a de l'eau, s'il vous plaît, à m'apporter. J'ai très, très soif. On est ensemble jusqu'à 22h pour la saga des Fab Four, numéro 463. Take long.

plus ancienne chanson de l'album Let It Be, sorti en 1970. Across the Universe fut enregistré en février 68 et paru pour la première fois en décembre 69 sur l'album No One's Gonna Change Our World, un album vendu au profit du World Wildlife Fund. Le titre évoque la composition des chansons, ou du moins des merveilles de la création artistique, et fut souvent cité par John comme l'un des favoris des Beatles, pour la simplicité et la pureté de ses paroles. Les mots lui étaient venus alors qu'il était au lit à Kenwood, il s'était disputé avec Cynthia et cherchait le sommeil. Mais la phrase « Pools of sorrow, waves of joy », des flaques de peine, des vagues de joie lui vint à l'esprit et le hanta jusqu'à ce qu'il se lève et l'écrive. « Ça a fini par me tirer du lit », raconte John. « Je ne voulais pas l'écrire, mais j'étais énervé et je n'arrivais pas à dormir. » Composé après qu'il eut rencontré le Maharishi Mahesh Yogi en Angleterre, mais avant qu'il ne se rende en Inde, Across the Universe fait allusion dans son refrain à Dave, D-E-V, le gourou du Maharishi. John voulait que cette chanson soit le 45 tours qui sortirait durant leur voyage en Inde, mais ce fut finalement Lady Madonna qui fut choisie. À noter que David Bowie enregistra sa propre version de Across the Universe pour son album Young Americans et John lui donna un coup de main à la guitare. Voilà ce qu'il fallait savoir sur cette chanson-là, sur laquelle on peut rajouter que là, vous avez entendu la version avec Phil Spector, donc avec un orchestre immense derrière, et c'est très très joli, mais ce n'était pas le souhait du début de Paul McCartney de cet album qui aurait dû s'appeler Get Back et qui était seulement ce que les quatre Beatles pouvaient faire en studio et rien d'autre. Les problèmes qu'il y a eu ont fait que ça a traîné et c'est devenu ça. C'est la version historique, c'est une très belle version, mais une version épurée, ça vaut le coup aussi, et on a ça aussi à la saga. Voilà. Regardez sur un plan, vous êtes ici. You are here. C'est extrait de l'album Mind Games. Déjà, oh ben ça va vite. C'est le deuxième extrait de l'album de la semaine. Distant land.

unfair. You were in a car crash and you lost your hair. You said that you would be late about an hour or two. Well, that's alright, I'm waiting here, just waiting to hear from you. Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. Première chanson écrite par Ringo, parue enfin en 1968. Il a dit Ringo qu'il connaissait quelques accords, et la plupart du temps au piano, et qu'il avait une facilité incroyable à refaire des chansons qui existaient déjà, alors qu'il pensait qu'elles venaient de lui. Et puis un jour, il a composé ça, et il a trouvé que ça venait bien de lui, ce n'était pas une ressucée quelque part de quelque chose qui existait déjà. Et donc il était tout fier de proposer ça. Il a proposé dès fin 63, mais à chaque fois on lui disait « Ouais, c'est pas mal, travaille encore un peu, puis on n'a pas de place pour ta chanson sur le disque, donc on le fera ». Et finalement, 68, enfin, la voici cette chanson « Don't Pass Me By ». Une bonne chanson d'ailleurs, une bonne chanson bien dans le style qu'on aime bien de Ringo. Animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. D'abord, il y a eu la chanson Tell Me Why et ce A Hard Day's Night en 1964, quelle si belle année. Et puis à l'instant, Money, That's What I Want, toujours d'actualité en 2020. C'était en 1963 sur l'album With the Beatles, la chanson d'origine et de Barrett Strong, sortie en je ne sais plus quelle année exactement. Vous allez me le dire parce que là je ne l'ai pas en tête. Mais ça fait partie des chansons qu'on croit être des Beatles, alors que non, c'est des reprises. On en parlera tout à l'heure après la chanson, la cover, justement, puisqu'il y a un livre consacré aux reprises. Je vous en parlerai donc dans quelques minutes. Après cette chanson, nous revenons à l'album de la semaine, sorti en 1973, l'album Mind Games, par John Lennon, et cette chanson, Out the Blue, sur RIG, dans la saga des Fab Four. Out the blue, life's in a G. Comment j'ai été habile pour retourner le disque sans que vous vous en rendiez compte et pouvoir passer Ramon et le Ramon Reprise sur le même album, l'album Ram, sorti en 1971. Ah ouais, on fait dans le classique, mais j'avais envie. Voici Ben on the Run, l'impensable, l'incroyable, le génial album de 1973. Vous êtes sur RIG 90.7, c'est la radio. Les Beatles jusqu'à 22h. Stuck inside these four walls, sent inside forever. Mama, you, C'est vrai que quelquefois j'oublie de passer ce genre de chanson parce que je me dis elle est connue, tout le monde la connaît. Mais ça fait tellement de bien de la réentendre parce que ça nous rappelle les concerts justement. Ça nous rappelle les bons moments avec Paul McCartney qu'on espère revoir l'année prochaine, hein, à Bordeaux, hein, avec peut-être aussi pour première chanson So Glad to See You Here. Allez, s'il te plaît, Paul. Ça, c'est beau. C'est Be Here Now, c'est George Harrison en 1973 sur Living in a Material World. Et c'est sur RJ 90.7, la radio des Beatles. 107, la radio des Beatles. Let's go. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. The rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. A train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with In the Sky with Diamonds, une chanson interdite à la BBC. Pourquoi ? Parce que Lucy in the Sky with Diamonds, LSD, ça doit certainement parler de drogue. Alors que non, et non, pour une fois, non, même pas pour une fois, c'était un dessin que Julian Lennon avait ramené à son père. Et son père, il était à l'école primaire ou maternelle, attendez, il est né en 63, donc oui, il était tout petit, c'était en 67, il était à l'école maternelle, donc... Et il lui ramène, et puis John lui dit « Qu'est-ce que c'est ?» Et Julian aurait dit « C'est Lucy dans le ciel avec des diamants, parce qu'il avait une copine qui s'appelait Lucy. Faut pas aller chercher plus loin, c'est tout. » Et il en a fait une superbe chanson sur Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band de 1967. On retrouve John Lennon, quelle voix ? avec cet album de la semaine qui est Mind Games, sorti en 1973. Et ce titre, I know, je sais. Cette heure-ci de parler de la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou en solo, et même si eux-mêmes reprenaient une chanson d'un de leurs pères, comme Chuck Berry par exemple, quelque chose comme ça. C'est souvent des gens connus, pas toujours, quelquefois ça peut être des auditeurs qui me proposent une chanson. D'ailleurs, j'attends la version, je crois c'est While My Guitar Gently Weeps, de Jérôme Dupuis. S'il m'entend, ce serait très très sympa de m'envoyer ça rapidement, que je puisse le proposer dans la cover. Et donc la cover d'aujourd'hui, c'est quelqu'un de connu, puisque c'était un pote de George Harrison et des Beatles en général. C'est Billy Preston qui nous fait un album Tribute to the Beatles. Il est sorti l'album en 2004. Et le titre du morceau, c'est Sgt. Pepper, tout simplement. J'aime bien cette version aussi. It was 40 years ago today, Sergeant Pepper taught the band to play. They've been going in and out of style, but they guaranteed to raise a smile. So let's taught the band to play. They've been going in and out of style, but they're guaranteed to raise a smile. So let me introduce to you, and let you know for all these years, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. I'm talking about Sergeant Pepper, Sergeant Pepper, Sergeant Pepper Band, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope you will enjoy the show. Sergeant Pepper's one and only. Cette nouvelle version, enfin cette version différente de Sgt Pepper. Voici la nouvelle rubrique, vous savez, la rubrique locale ou des fils d'eux ou des artistes locaux, etc. D'abord, je voudrais dire que localement, il y a une seule crêperie qui écoute la saga des Fab Four le mercredi soir en plein dans le restaurant. C'est Twist & Crêpe à Talence au 329 cours de la Libération. J'envoie un énorme bise à Diane et Fabrice, les deux propriétaires de ce restaurant. Mais également, il y a Johanna, il y a Agathe, que je surnomme Agathe. Vous voyez comme je suis facile. Et j'en oublie peut-être, mais bonsoir à vous si vous écoutez ce soir dans le Twist & Crêpe. Et en sortant, n'hésitez pas à acheter le disque. Vous savez qu'on a écouté la semaine dernière le disque de Emery Station, ça s'appelle Find My Way Again, c'est sorti tout récemment et c'est vraiment très très bien, c'est fait par des artistes locaux. Ça vaut le coup. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler, puisque là, on est en train de parler de Ringo Starr. Enfin, disons que en arrière-fond, c'est une chanson de Ringo Starr. Il y a un livre qui est sorti sur Ringo Starr. Ringo Starr, 80 ans, une chronologie commentée. C'est de Dominique Grandfils. Et il a eu 80 ans, non pas Dominique Grandfils, mais Ringo Starr, le 7 juillet. Et c'était l'occasion de souhaiter un anniversaire à Richard Starkey, ainsi qu'à ses innombrables fans, parce qu'il en a, accompagné d'un Peace and Love. Dominique Grandfils a rassemblé, sélectionné et commenté plus de 150 dates clés de la vie artistique et personnelle du batteur des Beatles, trop souvent occultée par celle de ses trois compères. Une chronologie qui n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il faut acheter, c'est franchement pas cher du tout. Le livre est rouge avec un Ringo au milieu et vous pouvez l'avoir un peu partout sur toutes les plateformes qui vendent des livres. Je vous assure, je l'ai lu assez rapidement et c'est pas cher et c'est très très bien. Enfin un livre sur Ringo Starr. Et puis un autre livre que je vous conseille, tiens, tout à l'heure on a passé Money, That's What I Want. Eh bien, si vous voulez apprendre encore des choses sur les Beatles, de 1962 à 1970, les Beatles ont produit pas moins de 13 albums et plus d'une vingtaine de singles, mais on ignore souvent que leur créativité s'est également nourrie d'influences musicales extérieures et nombreuses. Ils se sont ainsi appropriés de multiples reprises de morceaux plus ou moins connus, démontrant à la fois une connaissance musicale pointue et une formidable capacité d'interprétation. Money, That's What I Want, ça n'est pas les Beatles, et pourtant, beaucoup d'entre vous, ou d'entre nous peut-être aussi au début, pensions que c'était créé par les Beatles. Vous avez un bouquin qui s'appelle Get Back to Their Roots. C'est un bouquin sur les Beatles, écrit par, comment s'appelle-t-il déjà ? Je crois que j'ai perdu. Il s'appelle Jean-Louis Pollard. Et on trouve une foule de détails impressionnants concernant les influences musicales des Beatles. Leurs connaissances musicales sont profondes, etc. Je l'ai dit déjà. Et il y a des anecdotes qui rendent le texte plus humain. Ce récit est surtout une mine d'or de l'histoire de rock. Voilà, deux bouquins à consulter. Il y a le restaurant Twist and Crepe si vous voulez manger de bonnes crêpes. Et à la sortie, vous achetez le bouquin, le CD, je vais y arriver, d'Emery Station. Tout ça, c'est le temps de cette musique qui s'appelait Going Down de Richard Starkey alias Ringo Starr. On fait dans le bon. Live and Let Die sur RG. Was an open book. You used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. pas forcément le meilleur James Bond, mais l'une des plus belles, l'un des plus beaux génériques du film James Bond. Oui, c'est totalement objectif, bien entendu. Allez, on revient en 1974 avec l'album Goodnight Vienna de Ringo Starr. Et cette superbe chanson, j'aime bien la passer parce que, écoutez la voix, le thème c'est un peu triste, mais c'est très très beau. Husbands and Wives sur RIG. Two broken hearts, lonely looking like houses where nobody lives. Having so much pride inside, neither side forgives. The angry words spoken in haste, such a waste of two lives. It's my belief pride is the chief cause in the decline in the number of husbands and wives. Two broken hearts, lonely looking like houses where nobody lives. Two people each having so much pride inside, neither side forgives. The angry words spoken in haste, such a waste of two lives. It's my belief pride is the chief cause in the decline in the number. A man and a woman, some can, and some can't, and some can. Let's go back, back, back, back, back. Like that. Franchement, c'est pas ma chanson préférée de George Harrison du temps des Beatles. Néanmoins, si on la replace dans le contexte du dessin animé, si on écoute bien les paroles, il dit globalement, il dit vous trouvez que l'orchestre joue faux? Ben ouais, c'est vrai. Mais il joue comme ça parce qu'on leur a demandé de faire ça. Bref, voilà, tout est en humour, cette chanson-là. Si vous trouvez qu'il manque de ça, ben c'est normal, il n'y a personne. Il dit à un moment donné dans les paroles. Donc c'est de l'humour, c'est fait exprès. Et à ce titre-là, ça va, c'est bien. Mais franchement, je préfère While My Guitar Gently Weeps. Ben oui. Retour à l'album de la semaine, Intuitions, Mind Games, 73. C'est John Lennon sur RG. Intentions are good. I use my intuition that takes me for a ride. But I never understood other people's superstitions. It seemed like suicide. And as I play the game of life, I try to make it better each and every day. And when I struggle in the night, the magic of the music seems to light the way. Intuition takes me there. Intuition takes me everywhere. Well, my instincts are fine. I have to learn to use them in order to survive. Time after time, confirmed or no suspicion, it's good to be alive. And when I'm deep down and out, and lose communication with nothing left to say, it's then I realize it's only a condition of seeing things that way. Intuition. Intuition takes me anywhere. Takes me anywhere. Quelquefois, il y a un fil conducteur dans mon émission volontairement. Vous vous rappelez, je vous ai parlé à un moment donné de Paul McCartney en concert qui reviendrait à Bordeaux et j'aimerais bien qu'il nous chante une chanson So Glad to See You Here. Il y avait une raison. Une chanson comme ça, c'est certain que le public est totalement, totalement acquis à Paul McCartney. De toute façon, il l'est déjà. Oh, darling. We'll be right back. allez tenter de dire quelque chose. Quelle voix ? Dans une vingtaine de minutes, ce sera Eric, justement. Quelle voix aussi pour Johnny de A à Z. En attendant, voici l'une des chansons, l'une des reprises que je préfère de George Harrison. C'était en 1981 sur l'album Somewhere in England. Voici Baltimore Oriole sur RIG. Seen a mouse like Scouse in your house. Hello, everybody have a listen to my song. If it's not too short, I hope it's not too long. I feel real cute in my brand new suit, but I'd feel even better if you sang along. Cause I'm the Scout, that's Scout, the Mouse, he's the greatest. No ordinary, I'm an extraordinary, yeah. And I'm the Scout, that's Scout, the Mouse, what a mouse. I'll bet you've never seen a mouse like Scout in your house. Now I had a home in Liverpool, but one day I knew what I had to do. I escaped from my cage to be a star on the stage. Now I'm happy as can be to sing my song for you. Cause I'm the Scout, the Mouse, he's terrific. No ordinary, I'm an extraordinary, yeah. Mouse. And I'm the Scout, the Mouse. Did you ever see a mouse like Scout in your house? Sure to please. If you're feeling sad and blue, well, I'm the mouse to see. If you wanna have fun, it's easily done. Just open up your mouth and sing my song with me. Cause I'm the Scout, the Mouse. No ordinary, I'm an extraordinary mouse. And I'm the Scout, the Mouse. Did you ever see a mouse like Scout in your house? On n'arrête plus la musique après Ringo Starr et Scout the Mouse. Voici John Lennon une dernière fois avec Bring on the Lucy sur Mind Games 1973. Dans quelques minutes, ce sera Johnny de A à Z avec l'infernal, génial et gentil Eric. Request to be 90.7, la radio des Beatles. One day you'll look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Yeah, tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. Find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. One, two, three, four! Look. C'est bizarre, on est un petit peu en retard. Merci d'avoir écouté la saga des Fapours. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je sais que vous allez être très bien avec Eric dans quelques instants. À très très bientôt. Salut. No.